Ouais, ouais. Le monde est méchant. Yeah. Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Anjali. Big ass up alors que vous avez un chien. Parce que tout ce qui est petit et mignon, tout ce qui est gros et moi, fucking monstre, un chien. Mais on nous prend comme des salauds. C'est les gars, genre, un chien. Vous êtes responsable. Et le Théo. Tellement de beef, généré par le fou, généré par le fou. Tellement de beef, généré par le fou, généré par le fou. Tellement de beef, tellement de vieux, généré par le fou, généré par le raté. Tellement de beef, tellement de vieux, généré par le fou, généré par le raté. Quand je marche, les billets tombent. 7-7 quand je marche, les billets tombent. Quand je marche, les billets tombent. Quand je marche, les billets tombent. Quand je marche, les billets tombent. Quand je marche, les billets tombent. Quand je marche, les billets tombent. Quand je marche, les billets tombent. Anjali, Cinco se moque de l'humanité. Lanzo revend que la peu fera de qualité. Demande à Pouli, mon gars, fuck off la quantité. Si vous êtes 10 sur mon 9, y'a égalité. Tes chiffres et décoller carottis. Dans Jody Duff, t'es des sous, même en quarantaine. On fait les choses, t'inquiète pas si à drap on tire. Y'a des choses qu'on dit, d'autres qu'on met entre parenthèses. J'arrive en Versace comme Biggie, ta copine kiffe ma dégaine de mec de la rue. Tellement de billes générées par le fou, c'est la misère qu'on veut tous fuir. J'ai la sacoche, c'est moi qui bosse, y'a un criquet, je lui vends son sachet. Capitaine est fâché, ça va chauffer. Tellement de billes générées par le fou, tellement de billes générées par le fou, tellement de billes, tellement de vieux, générées par le fou, générées par le raté. Tellement de billes, tellement de vieux, générées par le fou, générées par le raté. Quand je marche, les billets tombent. C'est quand je marche, les billets tombent. Quand je marche, les billets tombent. C'est quand je marche, les billets tombent. Quand je marche, les billets tombent. C'est quand je marche, les billets tombent. Quand je marche, les billets tombent. Quand je marche, les billets tombent. Les voisins sont complices, tellement le raté il débite. On trafique, on trafique, on trafique. MCU, la beat in the traffic. On fait des sous, tu suces des bites. On a le flow, donc on débite. C'est fait que tombe comme ça, t'es lit. Le panique dans nos blocs, y'a les cas qui nous plaquent, je suis coffré dans la plante. J'ai le glow qui fait tout coup, tout coup, tout coup, pas moi. J'ai des balles dans ma caisse, c'est ma palle, moi. Tant qu'ils approchent pas, tu vends. Tu vends. Ils parlent beaucoup, mais c'est du vent. Je casse ta robe, mais sur le divan. J'accoste ta femme, un divan. Tellement de tellement généré par le fou. Généré par le fou. Tellement de bif, généré par le fou. Généré par le fou. Tellement de bif, tellement de vieux. Généré par le fou. Généré par le raté. Tellement de bif, tellement de vieux. Généré par le fou. Généré par le raté. Quand je marche,